Bienvenue sur le balado improbable de la radio moderne. C'est l'épisode 41. Au programme cette semaine, Rachel Taylor-Brown, Syd Barrett, Arthur Rimbaud, Jane's Addiction, John Spencer Blues Explosion, Psychic Workshop, Graham Parker, Antisect, les Dogs, Slapshot, Francisco Lopez, 100NK, les B-52s, les Ravenettes, Bitra Miner et enfin de Lemonheads. C'est parti. My head kissed the ground, I was half the way. Armbands, beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? The poppy birds wake, swing twigs, coffee brands around, brandish her wand with a feathery tongue. My head kissed the ground, I was half the way down, treading the sand, please, please, please lift a hand, I'm only a person with Eskimo chain, I tattered my brain, don't you miss me? Couldn't you miss me at all? Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf when I was alone. You promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please, please lift a hand. I'm only a person whose armbands, beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? La gueule ouverte, le journal qui annonçait la fin du monde. L'atome a été remis en question hier en Alsace. À Fessenheim, près de 1200 personnes ont manifesté, non contre l'atome, arme de guerre, mais contre la construction de la centrale nucléaire projetée par l'EDF. Tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis pas plus m'expliquer que le mendiant, avec ses continuels pater et ave maria. Je ne sais plus parler. Mi hombres! Listen to me, peripheral! In Mexico, be very careful. Why should I be careful? Oh, no, señor. It's not the Mexican people. It's you. Don't you steal anything. Just señor. I won't steal nothing. But your women are so beautiful. Can I have one? No, he said. Respecto. Okay. Then I went out to the clothing store. I saw something that I like. Mucho gusto. These pants. You like these pants? They say hecho en México. Hayley, les dames de se balader avec les weirdos, on dit cinglés en français, et crêchaient chez les screamers, hurleurs en français, démontrant qu'ils ne se croyaient pas au-dessus en se mêlant à leurs camarades américains. Tandis que les Pistols furent l'inspiration initiale pour beaucoup de punks, y compris les Damned, c'est la musique des Damned qui est probablement la plus grande influence sur la plupart des punks californiens. Bientôt, des groupes américains joueraient à des vitesses que les groupes anglais ne pourraient espérer égaler, et les Damned étaient un des groupes qui leur ouvrait la voie. L'intensité de train de marchandises de leur musique était une chose qu'on ne pouvait pas tout à fait trouver dans le mur d'accords puissant des Pistols, ni dans la sophistication des Clash. Extrait de Going Underground de George Urshela. sit here and talk to you, people wonder, where did Charlie Manson come from? What are your earliest memories? I come from the heart of Bing Crosby. L'adjoint du coroner a pris un scalpel et pratiqué une profonde incision longue de 15 cm dans l'abdomen de la victime. Il a écarté les lèvres de la plaie avec les doigts, enfoncé un thermomètre dans le foie et lu une température de 32 degrés. Il a situé l'heure de la mort entre 3 et 5 heures du matin. Alinen a examiné les ligatures. Le bas et le cordon en coton étaient noués séparément autour du cou de la victime. Le cordon ressemble à une corde à linge ou à un cordon de store vénitien. Le nœud du cordon était placé sur la nuque de la victime. Le tueur l'avait noué tellement serré que l'une des extrémités s'était cassée en brins dissociés. Et les deux bouts restants, de longueurs inégales, en étaient la preuve incontestable. Le bas autour du cou de la victime était identique au bas roulé autour de sa cheville gauche. L'adjoint du coroner a verrouillé son camion et emporté le corps à la morgue du comté de LA. Jack Lawton a diffusé une annonce radio sur la fréquence de la police. À toutes les unités de Saint-Gabriel Valley, restez en alerte, suspect de sexe masculin portant coupure et égratignure récente. Ward Alinen a rassemblé quelques journalistes de la radio. Il leur a dit de diffuser ce message sur les ondes locales. Découverte d'un cadavre de femme blanche, 40 ans, rousse, yeux noisettes, 1m67, 60 kg. Dirigez les informateurs potentiels vers le service de police d'El Monte et le bureau du shérif de Temple City. Extrait de Ma part d'ombre de James Ellroy. From the bunch, and that was all it took. And now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. So we let her look. Why don't you please let me back your heart? Oh, about your love. One of those sleepless nights that just shows you care, but I know wrong from right. Every street you walk down, I leave tear stains on the ground. Following you, girl, I can feel you all around. Let's hear, oh baby, give me one more chance. Show me that love. Won't you please let me back in your heart? Oh darling, I was blind to let you go. Let you go, baby. Now that I see you in his arms, oh yeah. Happened, and let me live again. I am one more chance. les hommes tremblent comme leur ville. Ils disparaissent par morceaux, pourrissent par la tête comme des poissons. Leurs enfants ne sont que la viande de leurs projets. Where? You'll never see me again! Thank you. thing. I could talk a mile a minute. My truck.